Romains chapitre 11. Je demande donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple, à Dieu ne plaise. Car je suis aussi israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, lequel il a auparavant connu. Et ne savez-vous pas ce que l'Écriture dit d'Élie, comment il a fait requête à Dieu contre Israël, disant, Seigneur, ils ont tué tes prophètes, et ils ont démoli tes autels, et je suis demeuré moi seul, et il t'a chaboté la vie. Mais que lui fut-il répondu de Dieu, je me suis réservé 7000 hommes, qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Ainsi donc il y a aussi à présent un résidu, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus la grâce. Mais si c'est par les œuvres, ce n'est plus par la grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc, c'est que ce qu'Israël cherchait, il ne l'a point obtenu, mais l'élection l'a obtenu, et les autres ont été endurcis. Ainsi qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit assoupi, et des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point ouïr, jusqu'au jour présent. Et David dit, que leur table leur soit un filet, un piège, une occasion de chute, et cela pour leur récompense. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et courbent continuellement leur dos. Mais je demande, ont-ils bronché pour tomber? Nullement, mais par leur chute le salut est accordé aux gentils, pour les exciter à la jalousie. Or, si leur chute est la richesse du monde, et leur diminution la richesse des gentils, combien plus le sera leur abondance? Car je parle à vous, gentils, certes en tant que je suis apôtre des gentils, je rends honorable mon ministère. Pour voir si en quelque façon, je puis exciter ceux de ma nation à la jalousie, et en sauver quelques-uns. Car si leur rejection est la réconciliation du monde, quelle sera leur réception, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Que si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, as été hanté en leur place, et fait participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas contre les branches, car si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Mais tu diras, les branches ont été retranchées, afin que j'y fusse hanté. C'est bien dit, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, et tu es debout par la foi, ne t'élève donc point par orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a point épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne point aussi. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, la sévérité sur ceux qui sont tombés, et la bonté envers toi, si tu persévères en sa bonté, car autrement tu seras aussi coupé. Et eux-mêmes aussi, s'ils ne persistent point dans leur incrédulité, ils seront tentés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Car si tu as été coupé de l'olivier qui de sa nature était sauvage, et a été hanté contre la nature sur l'olivier franc, combien plus ceux qui le sont selon la nature, seront-ils hantés sur leur propre olivier? Car, mes frères, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous en fassiez pas à croire, c'est qu'il est arrivé de l'endurcissement en Israël dans une partie, jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon ce qui est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les infidélités. Et c'est là l'alliance que je ferai avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Ils sont certes ennemis par rapport à l'Évangile, à cause de vous, mais ils sont bien aimés eu égard à l'élection, à cause des pères. Car les dons et la vocation de Dieu sont sans repentance. Or, comme vous avez été vous-mêmes autrefois rebelles à Dieu, et que maintenant vous avez obtenu miséricorde par la rébellion de ceux-ci, ceux-ci tout de même sont maintenant devenus rebelles, afin qu'ils obtiennent aussi miséricorde par la miséricorde qui vous a été faite. Car Dieu les a tous renfermés sous la rébellion, afin de faire miséricorde à tous, aux profondeurs des richesses, et de la sagesse, et de la connaissance de Dieu. Que ses jugements sont incompréhensibles, et ses voies impossibles à trouver. Car qui est-ce qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui est-ce qui lui a donné le premier, et il lui sera rendu? Car de lui, et par lui, et pour lui, sont toutes choses. À lui soit gloire éternellement. Amen.